Doulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoulidoul Douli-douli-da. Deux nez de plomb et l'autre en bois. Douli-douli-da. Trois petits soldats. Les soldats de plomb ne craignaient pas ni le vent, ni le temps, et se moquaient du soldat de bois qui craquait tout le temps. Savais-tu qu'il était une fois trois petits soldats, douli-douli-da. Deux étaient de plomb et l'autre en bois. Un jour l'enfant voulut les toucher, ils tombèrent de ses doigts. Celui de moi. Et si je te parle tout à coup, tout petit soldat, douli-douli-da, c'est que tous les hommes jouent pour nous, douli-douli-da, au petit soldat. Ils n'étaient que des soldats de plomb, mes amours d'autrefois. J'ai besoin d'avoir une maison, et tu, soldat de bois. Savais-tu qu'il était une fois trois petits soldats, douli-douli-da. Deux nez de plomb et l'autre en bois, douli-douli-da. Trois petits soldats, douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-douli-